إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Lors du dernier cours, on s'est arrêté au début de Sourate Al-Ma'arij, qui est traduit par Sourate l'Ascension. On s'est arrêté à la parole d'Allah Azza wa Jal, يوم تكون السماء كالمهل. قال الله تعالى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: le jour où le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne demandera après son ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout ce qui pourrait le sauver. Mais rien, c'est-à-dire rien ne le sauvera. L'enfer est un brasier. Arrachant brutalement la peau du crâne, il appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, amassait et thésaurisait. Oui, amassé et thésaurisé. وَجَمَعَفْ أَوْعَى. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي يوم القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة فتكون السماء كالمهل وهو الرصاص المذاب من تشققها وبلوغ الهول منها كل مبلغ وتكون الجبال كالعهن وهو الصوف المنشوف ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا فتضمحل فإذا كان هذا القلق والانعزاج والانزعاج فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار أليس حقيقا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه ويذهل عن كل أحد ولهذا قال ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم أي يشاهد الحميم وهو القريب حميمه فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال حميمه عن حاله ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومودتهم ولا يهمه إلا نفسه يود المجرم الذي حق عليه العذاب لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته أي زوجته وأخيه وفصيلته أي قرابته التي تؤويه أي التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصر ويعين بعضها بعضا ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدا ولا يشفع أحد إلا بإذن الله بل لو يفتدي المجرم المستحق للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه لم ينفعه ذلك كلا أي لا حيلة ولا مناص لهم قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وذهب نفع الأقارب والأصدقاء إنها لظى نزاعة للشوى أي للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة عذابها، تدعو إليها من أدبر وتولى وجمع فأوعى، أي أدبر عن اتباع الحق وأعرض عنه فليس له فيه غرض. وجميع الأموال بعضها فوق بعض أو وأوعاها، فلم ينفق منها فإن النار تدعوهم إلى نفسها وتستعد للالتهاب بهم. الجي رحمه الله تعالى en expliquant les versets 8 à 18 de Sourate Al-Ma'arij. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Yawma takunu as-sama'u kal-muhl », c'est-à-dire le jour, c'est-à-dire le jour du jugement. Le jour du jugement auront lieu ces choses immenses, que sont le ciel qui sera comme du métal fondu. Il sera comme du métal fondu, car il se fondra et se fissurera. Et les tourments seront présents de toutes parts. Et lorsque les montagnes seront comme de la laine cardée. Et de la laine cardée, c'est de la laine qui est démêlée, donc qui est fragilisée. Les montagnes seront comme de la laine cardée. Puis, les montagnes seront poussière éparpillées et finiront ensuite par disparaître. Si ce désordre et si cette déstabilisation touchent des corps célestes immenses comme ceux précédemment cités, que sont le ciel, entre autres, et les montagnes, que dire alors du serviteur faible qui pèse sur ses épaules ou qui porte sur ses épaules la lourdeur de ses péchés et de ses fautes? Il est encore plus déstabilisé et son cœur sera terrorisé et de même que son âme sera déstabilisée, et cela l'amènera, c'est-à-dire cet être humain faible, à oublier toute personne. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit par la suite, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. Nul ami dévoué ne demandera après son ami bien qu'il se voie. C'est-à-dire qu'il verra son ami, il sera proche de lui, mais il n'y aura plus dans son cœur de place pour demander l'état de son ami, ni pour parler des moments qu'ils ont vécus et de l'affection qu'ils ont pu avoir l'un envers l'autre. Ce jour-là, il ne sera préoccupé que par sa personne. Puis Allah Azza wa Jalla dit « Yawaddu al-mujrimu ». Le criminel aimerait, c'est-à-dire le criminel qui mérite le châtiment, aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, sa compagne, c'est-à-dire son épouse, wa akhihi wa fasilatihi, également ses proches, les proches, ses proches qui avaient pour habitude dans cette vie d'ici-bas de se soutenir les uns les autres. Eh bien, le jour du jugement, personne ne pourra profiter pour personne et personne ne pourra intercéder en faveur d'une autre personne sans l'autorisation d'Allah سبحانه وتعالى. الشيخ السعدي dit بل لو يفتدي المجرم، et si le criminel donnait en rançon tout ce qui est présent dans la terre, tout ce qui pourrait le sauver, rien de tout cela ne saurait lui être d'aucun bénéfice. Puis Allah Azzawajal dit qu'elle met rien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'esquive ce jour-là. Il n'y aura aucun échappatoire, car la parole d'Allah Azzawajal sera appliquée sur ceux qui étaient pervers, ceux qui ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, et tout bénéfice que pouvait leur être leur proche ne pourra en aucun cas avoir lieu ce jour-là. إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى. Mais rien, c'est un brasier. Un brasier qui arrache brutalement la peau du crâne. En parlant de l'enfer, l'enfer est un brasier qui arrachera brutalement la peau du crâne. Et Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire que le feu de l'enfer brûlera l'ensemble des membres du corps qui sont apparents ou qui ne sont pas apparents, et ceci pour montrer la grande force et la gravité de ce châtiment. Tad'u, l'enfer appellera. Appellera qui ? Man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. L'enfer appellera celui qui tournait le dos et s'en allait, et celui qui amassait et thésaurisait. Thésaurisait, c'est-à-dire qui amasse de l'argent sans le dépenser. C'est-à-dire sans le dépenser dans ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de dépenser. Cheikh Saadi rahimahullah dit, c'est-à-dire celui qui a tourné son dos à la vérité et s'est enfui de la vérité. Il n'accordait à la vérité aucune importance. Ces personnes également qui amassaient les biens, les uns après les autres et les stockaient et ne dépensaient de ces biens rien. Eh bien, ce jour-là, le feu de l'enfer les appellera, un feu qui est prêt à les brûler. ثم قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Il dit سبحانه وتعالى oui, l'homme a été créé instable. Quand le malheur le touche, il est abattu, et quand le bonheur le touche, il est avare, sauf ceux qui pratiquent la salat, qui sont assidus en leur prière, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé. Pour le mendiant et le déshérité, qui déclarent véridique le jour de la rétribution, ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur, qui se maintiennent dans la chasteté et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs, qui gardent les dépôts qui leur sont confiés et qui respectent scrupuleusement leur engagement, qui témoignent de la stricte vérité et qui sont réguliers dans leurs prières, ceux-là seront honorés dans des jardins. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه علوه، أنه هلوع، وفسر الهلوع بأنه إذا مسه الشر جزوعا فيجزع إن أصابه فقر أو مرض أو ذهاب محبوب له من مال أو أهل أو ولد، ولا يستعمل في ذلك الصبر والرضا بما قضى الله، وإذا مسه الخير منوعا فلا ينفق مما آتاه الله، ولا يشكر الله على نعمه وبره، فيجزع في الضراء ويمنع في السراء، إلا المصلين الموصوفين بتلك الأوصاف، إذا مسهم الخير شكروا الله وأنفقوا مما خولهم الله، وإذا مسهم الشر صبروا واحتسبوا. وقوله في وصفهم: الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، وليس كمن لا يفعلها أو يفعلها وقتا دون وقت أو يفعلها على وجه ناقص، والذين في أموالهم حق معلوم من زكاة وصدقة للسائل الذي يتعرض للسؤال، والمحروم وهو المسكين الذي لا يسأل الناس فيعطوه ولا يفطن له فيتصدق عليه، والذين يصدقون بيوم الدين، أي يؤمنون بما أخبر الله به وأخبرت به رسله من الجزاء والبعث، ويتيقنون ذلك فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاءوا به من الكتب. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون وجلون، فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله، إن عذاب ربهم غير مأمون، أي هو العذاب الذي يخشى ويحذر. والذين هم لفروجهم حافظون، فلا يطعون بها وطئا محرما من زنا أو لواط أو وطئ في دبر أو حيض ونحو ذلك، ويحفظونها أيضا من النظر إليها ومسها ممن لا يجوز له ذلك، ويتركون أيضا وسائل المحرمات الداعية لفعل الفاحشة، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي سرياتهم، فإنهم غير ملومين في وطئهن في المحل الذي هو محل الحرث. فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ودلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة لكونها غير زوجة مقصودة ولا ملك يمين. Il dit, rahimahullahu ta'ala, et ces descriptions de l'être humain qui ont été données, Allah subhanahu wa ta'ala a donné parmi ces caractéristiques de l'être humain et qu'il est halou'. Halou', c'est-à-dire instable. Et Allah azza wa jalla a expliqué halou' en disant إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا. Quand le malheur le touche, il est abattu, en parlant de l'être humain. Ainsi, l'être humain souffre lorsqu'il est atteint d'une pauvreté, d'une maladie, ou lorsqu'il perd une personne aimée chez lui, ou lorsqu'il perd une chose aimée chez lui, que ce soit ses biens ou un membre de sa famille ou un de ses enfants. Et il n'use pas de la patience et de l'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Et quand le bonheur le touche, il est avare. C'est-à-dire qu'il ne donne pas, il ne dépense pas de ce qu'Allah azza wa jalla lui a accordé. et il n'est pas reconnaissant vers Allah Azza wa Jal vis-à-vis des bienfaits d'Allah et de sa bonté. Ainsi, il est malheureux ou il est abattu lorsque un mal le touche et il prive, c'est-à-dire de dépenser lorsqu'il est dans une situation d'aisance. Puis Allah Azza wa Jal dit « Illa al-musallin » sauf ceux qui accomplissent leur salat. Ceux qui sont dotés de cette caractéristique. Lorsque un bien les touche, eh bien, ils sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala et dépensent de ce qu'Allah leur a accordé. Et lorsqu'un mal les touche, ils patientent et espèrent la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal a également donné la caractéristique de ces personnes en disant الذينهم على صلاتهم دائمون, ceux qui sont assidus dans leur prière, c'est-à-dire qu'ils font la prière de façon continuelle à son heure en respectant les conditions de la prière et en mettant en œuvre les actes recommandés qui complètent cette prière. Ils ne sont donc pas comme ceux qui ne prient pas ou comme ceux qui prient pendant un moment, puis ne prient pas un autre moment. Ou de ceux, ils ne font pas partie également de ceux qui accomplissent leur prière de façon incomplète. Allah Azza wa Jalla dit également, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé. Ce droit bien déterminé, comme l'a dit Cheikh Saadi, ce sont la zakat et les aumônes. Pour qui? Pour les mendiants, les sa'il, celui qui demande. Wal-mahroum. Al-mahroum, Cheikh Saadi, rahimahullah, dit, qui est traduit par le dépourvu, c'est le pauvre qui ne demande pas aux gens. Et c'est le pauvre qu'on ne décèle pas. Puis Allah Azza wa Jal donne toujours l'exception, donne toujours les caractéristiques de ces personnes qui sont exemptées de cette caractéristique qu'Allah Azza wa Jal a dit, خُلِقَ هَلُوعَ, que l'être humain est instable. Donc ceux qui sont exemptes de cela, il y a, comme on a vu, ceux qui prient, qui sont assidus dans leur prière, ceux qui dépensent de leurs biens, et ceux qui, وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ, ceux qui déclarent véridique le jour de la rétribution. C'est-à-dire qu'ils croient en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé. Et ils croient en ce que les prophètes et envoyés ont informé comme rétribution et résurrection. Et ils sont persuadés de cela. Ils se préparent donc à l'au-delà et accourent vers celle-ci. Et le fait de considérer vrai le jour de la rétribution, cela implique de considérer vrai les prophètes et de ce qu'ils ont apporté comme livre. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ, ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, c'est-à-dire qu'ils craignent et redoutent ce châtiment de leur Seigneur et ainsi délaissent tout ce qui pourrait les rapprocher du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ, il n'y a nulle assurance contre le châtiment de leur Seigneur. C'est-à-dire que c'est le châtiment qui doit être craint et qui doit être redouté. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, ceux qui se maintiennent dans leur chasteté. Ainsi, ils n'ont pas de rapport interdit, que ce soit de la fornication ou de l'adultère, que ce soit des rapports intimes ou sexuels avec une personne du même sexe, ou d'avoir des rapports en pratiquant la sodomie, ou d'avoir des rapports avec son épouse qui est indisposée, et autres cas dans lequel il est interdit d'avoir des rapports. Et ils préservaient également leur partie génitale afin qu'elle ne soit pas vue et qu'elle ne soit pas touchée par ceux qui n'en ont pas le droit. Ces personnes délaissent également tous les moyens qui appellent ou qui pourraient amener à commettre l'interdit. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Et n'ont de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves. Fa'innahum ghayru maloumin. Dans ce cas, ils ne sont pas blâmables. C'est-à-dire qu'on ne peut leur faire de blâme s'ils ont des rapports avec leurs épouses ou avec les esclaves. Bien sûr, dans l'endroit où il est autorisé d'avoir un rapport. Puis Allah Azza wa Jal dit « فَمَنِ بَتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ » Et ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela, c'est-à-dire en dehors de l'épouse et de l'esclave, « فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ » Ce sont eux les transgresseurs, c'est-à-dire ceux qui ont outrepassé ce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé pour commettre ce qu'Allah a interdit. Et ce verset prouve l'interdiction de nikah al-mut'ah, le mariage de jouissance, car la femme n'est pas considérée comme une épouse ni comme une esclave. Mais dans nikah al-mut'ah, la femme est considérée comme un objet de plaisir. Qu'est-ce que nikah al-mut'ah? Le mariage de jouissance. C'est le mariage temporaire, qui est appelé aussi mariage de jouissance, qui est pratiqué par les chiites, où ils se marient uniquement pour avoir un rapport sexuel. Ils peuvent se marier un quart d'heure, 20 minutes, une heure, deux heures, un jour, deux jours. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, dit qu'il y a dans cette preuve une preuve de l'interdiction de nikah al-mut'ah, car Allah Azza wa Jal parle des épouses. Et les épouses, c'est une femme avec qui tu as l'intention de vivre, d'avoir des enfants, etc. dans le long terme. Thumma qala, rahimahullah, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ أي مراعون لها حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها وهذا شامل للأمانات التي بين العبد وبين ربه كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرار وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد الذي عاهد عليه الخلق فإن العهد يسأل عنه العبد هل قام به ووفاه أم رفضه وخانه فلم يقم به والذين هم بشهاداتهم قائمون أي لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان ولا يحابي فيها قريبا ولا صديقا ونحوه ويكون القصد بها وجه الله قال تعالى وأقيموا الشهادة لله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والذين هم على صلاتهم يحافظون بمداومتها على أكمل وجهها أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات مكرمون أي قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة والأخلاق الفاضلة من العبادات البدنية كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله الداعية لكل خير والعبادات المالية والعقائد النافعة والأخلاق الفاضلة ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن معاملة من إنصافهم وحفظ عهودهم وأسرارهم والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى. Puis Cheikh Saadi rahimahullah continue l'explication des versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, ceux qui gardent les dépôts qui leur sont confiés et respectent scrupuleusement leur engagement. C'est-à-dire ceux qui prennent soin des dépôts et mettre en œuvre tous les moyens possibles pour les restituer, de même qu'ils font tout leur possible pour respecter scrupuleusement leur engagement. Et ceci englobe l'ensemble des dépôts, les dépôts qu'il y a entre le serviteur et son seigneur, comme des obligations secrètes dont seul Allah Azza wa Jal a connaissance. Comme des obligations qui sont cachées, que seul Allah Azza wa Jal connaît. Comme saum, as-saum, comme le jeûne. Allah Azza wa Jal dit as-saumu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui le rétribue. En effet, une personne qui jeûne, est-ce qu'on voit qu'elle jeûne? Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le sait. Également, les dépôts qu'il y a entre le serviteur et les créatures, que ce soit des biens ou que ce soit des secrets. Donc lorsqu'une personne te dit un secret, c'est une amana, c'est un dépôt qu'elle te confie et tu ne dois en aucun cas le trahir. De même pour l'engagement, cela englobe l'ensemble des engagements, que ce soit l'engagement que tu as pris vis-à-vis d'Allah ou l'engagement que tu as pris vis-à-vis des créatures. L'être humain, le serviteur d'Allah Azza wa Jal, sera questionné sur ses engagements. Inna al-ahda kana mas'oula. Il sera questionné sur son engagement. L'a-t-il tenu ou non, ou au contraire, l'a-t-il rejeté ou bien l'a-t-il trahi? Puis Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ, ceux qui témoignent de la stricte vérité, c'est-à-dire qu'ils ne témoignent que de ce qu'ils savent, sans ajouter, ni diminuer, ni cacher. Sans ajouter, ni diminuer, ni cacher. Et sans favoriser ou faire part ou faire preuve de partialité envers un proche ou un ami ou autre. Car le but de son témoignage est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat al-Talaq, « وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ » et « Acquittez-vous du témoignage envers Allah ». Il dit Azza wa Jalla dans Surat al-Nisa, « Ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et vos mères et vos proches parents. » Puis Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, et ceux qui sont réguliers dans leur prière, en la faisant de façon régulière et de façon complète. Oulaïk, ceux-là, ceux dont toutes les caractéristiques ont été précédemment citées, oulaïk fi jannatin mukramun, ils seront honorés dans les jardins. Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera les honneurs, leur donnera sa bonté, ses bienfaits, et ils auront ce que l'âme désire et ce qui réjouit les yeux, et ils y resteront éternellement. Et donc, pour résumer cela, Cheikh Saadi rahimahullah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens du bonheur et du bien par ses descriptions complètes, par ses nobles comportements, par ses adorations qui sont accomplies par le corps, comme la prière et le fait de persévérer dans celle-ci. Les actes du cœur, comme la crainte d'Allah azawajal, qui amène à accomplir tout le bien. Les adorations en rapport avec les biens et l'argent. Et de même, les croyances, la croyance bénéfique. Ces personnes qui sont dotées donc de caractères et de comportements louables, ceux qui se comportent avec Allah, se comportent avec les créatures de la meilleure des façons, ceux qui préservent et qui respectent leurs engagements et préservent les secrets, ceux qui sont chastes de façon complète en protégeant et en préservant leur partie de ce qu'Allah Azzawajal déteste et de ce qu'Allah Azzawajal n'aime pas. ثم قال سبحانه وتعالى فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens. Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi, c'est-à-dire vers toi, ô Muhammad, le cou tendu, de droite et de gauche par bande, c'est-à-dire pour te démentir et se moquer de toi et du Coran. Chacun d'eux, convoit-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices? Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables de les remplacer par d'autres meilleurs qu'eux, et nul ne peut nous en empêcher. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides, comme s'ils couraient vers des pierres dressées, leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira, c'est cela le jour dont on les menaçait. قال الشيخ سعد رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا اغترار الكافرين فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي مسرعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي قطعا متفرقة وجماعات متوزعة كل منهم بما لديه فرح أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم بأي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود برب العالمين ولهذا قال كلا أي ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم إنا خلقناهم مما يعلمون أي من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Il dit, rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le leurre et la ruse des mécréants. Lorsqu'il dit, azzawajal, Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu ? C'est-à-dire, qu'ont-ils à se précipiter vers toi ? Le cou tendu, c'est-à-dire pour écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait dire. Et ceci dans le but, par la suite, de se moquer de lui et du Coran. عن اليمين وعن الشمال عزين أي قطعة متفرقة. De droite et de gauche par bande, c'est-à-dire qu'ils viennent de toutes parts et ils viennent de façon séparée, chacun étant satisfait de ce qu'il a. Puis Allah Azza wa Jalla dit: أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Chacun d'eux convoit-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices? C'est-à-dire, quelle est la cause qui leur a fait espérer cela? C'est-à-dire, quelle est la cause qui a pu leur faire espérer l'entrée au paradis, alors qu'ils n'ont apporté que de la mécréance, alors qu'ils n'ont fait que renier et rejeter le Seigneur des mondes? Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit: Kalla, mais non, les choses n'auront pas lieu comme ils le souhaitent. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Nous les avons créés de ce qu'ils savent. C'est-à-dire, nous les avons créés d'une giclée d'eau qui sort entre les lombes et les côtes. Ce sont donc des faibles qui ne peuvent apporter pour eux-mêmes ni bien ni mal, qui n'ont aucun pouvoir ni sur la mort, ni sur la vie, ni sur la résurrection. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, قال الشيخ السعدي: هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب لما فيها من الآيات الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون وما نحن بمسبوقين أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله فذرهم يخوضوا ويلعبوا أي يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم ثم ذكر حال الخلق بين حين يلاقون يومهم الذي يوعدون فقال يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم إلى علم يؤمون ويسرعون أي فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي وللالتواء لنداء المنادي بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت منهم الحركات وانقطعت الأصوات فهذه الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون ولا بد من الوفاء بوعد الله تمت والحمد لله. Puis un cheikh Saadi rahimahullah explique les versets 40 à 44 de sourate Al-Ma'arij, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par le vent et les couchants. Il dit rahimahullah que ceci Et Allah Azza wa Jal a juré par les levants et les couchants, c'est-à-dire par le soleil, la lune et les étoiles, car il y a dans cela un signe évident de la résurrection. Et il y a dans cela la force et la capacité d'Allah Azza wa Jal à les changer. Et à changer ces personnes. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Waqi'ah, وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et nous vous ferons renaître dans un état que vous ne savez pas. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Et nul ne peut nous en empêcher. C'est-à-dire que personne ne peut s'interférer, personne ne peut nous rendre difficile. Et lorsque nous voulons, c'est-à-dire ressusciter les personnes, nul ne peut nous en empêcher. Ceci atteste donc la résurrection et la rétribution. Si cela est avéré, si Allah Azza wa Jal est le maître des levants et des couchants, est-il capable de ressusciter? Oui ou non? Oui. Donc, la résurrection et la rétribution sont avérées. Et s'ils persistent dans leur mensonge, et s'ils persistent dans le fait de ne pas se soumettre au signe d'Allah, Allah Azza wa Jal dit alors, فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا. Laisse-les donc s'enfoncer, c'est-à-dire dans leur mécréance, et se divertir. C'est-à-dire, laisse-les s'enfoncer en proférant des paroles fausses et en ayant des croyances mauvaises. Et laisse-les jouer avec leur religion. Laisse-les manger, boire et se divertir. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. Allah Azza wa Jal a préparé pour eux dans ce jour des tortures et des malheurs. Et ces tortures et ces malheurs et ces châtiments seront la finalité de leur enfoncement et de leur divertissement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala cite l'état de ces créatures lorsqu'elles rencontreront ce jour dont on les menaçait. Il dit Azza wa Jal, يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ. Le jour où ils sortiront de l'ajdath, c'est-à-dire des tombes, sira'a, ils sortiront précipités, comme s'ils couraient, ils sortiront précipités, c'est-à-dire ils se précipiteront à répondre à l'appel de celui qui les appelle. كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ. Comme s'ils couraient vers des pierres dressées, comme si ils devaient suivre un drapeau ou une enseigne et qu'ils se précipitaient vers celle-ci. Ainsi, ce jour-là, ils ne pourront désobéir à celui qui les appellera à venir se présenter. Au contraire, ils s'y rendront humiliés et contraints de se lever et de se présenter devant le Seigneur des mondes. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً. Leurs yeux seront abaissés et l'avilissement les recouvrira. Ceci car l'avilissement et le dérangement aura pris possession de leur cœur et le dérangement aura également l'emprise sur leur poitrine. Ainsi, leurs regards se baisseront et aucun son ne sera entendu. فَهَادِهِ الْحَالُ وَالْمَآلُ. Ceci est la situation et la finalité. هُوَ يَوْمُهُمْ. Et c'est ce jour, et c'est leur jour, dont on les menaçait, et la promesse d'Allah Azza wa Jal ne peut qu'avoir lieu. Tammat walillahi alhamd. Ainsi se termine l'explication de Sourate Al-Ma'arij. Puis on va commencer l'explication de Sourate Nuh. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Nuh selon le sens. Nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Avertis ton peuple avant que leur vienne un châtiment douloureux. Il leur dit, ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Pour qu'il vous pardonne vos péchés et qu'il vous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne saurait être différé si vous saviez. Il dit, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements et se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ensuite, je les ai appelés ouvertement. Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit alors qu'il vous a créé par phases successives? N'avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe? Et c'est Allah qui, de la terre, vous a fait croître comme des plantes. Puis il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement. Et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis pour que vous vous acheminiez par ses voies spacieuses. Nuh dit, « Seigneur, ils m'ont désobéi, et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ils ont ourdi un immense stratagème. Et ils ont dit, « N'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. » Elles, c'est-à-dire ces idoles, en ont déjà égaré plusieurs. Ne fait croître les injustes qu'en égarement. À cause de leur faute, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu, et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureur. Et Nuh dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Si tu les laisses en vie, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pécheurs infidèles. Seigneur, pardonne-moi à mon père et à ma mère et à celui qui entre dans ma demeure croyant ainsi qu'aux croyants et aux croyantes et ne fait croître les injustes qu'en perdition. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى آخر السورة لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك فأخبر تعالى أنه أرسله إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب الله الأليم خوفا من استمرارهم على كفرهم فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر الله فقال يا قوم إني لكم نذير مبين أي واضح النذارة بينها وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة بين جميع ذلك بيانا شافيا فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به فقال أن اعبدوا الله واتقوه وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب. الشيخ سعد رحمه الله دي Allah Azzawajal dit « Inna arsalna Nuha » jusqu'à la fin de la sourate. Nous avons envoyé Nuh jusqu'à la fin de la sourate. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, n'a pas cité l'histoire d'autre que Nuh. Il n'a cité que l'histoire de Nuh uniquement, car Nuh est resté longtemps au sein de son peuple. Et il a répété à plusieurs reprises l'appel au tawhid et l'interdiction du shirk. Allah Azza wa Jal nous informe qu'il l'a envoyé, c'est-à-dire qu'il a envoyé Nuh à son peuple. Allah Azza wa Jal l'a fait en guise de miséricorde pour ce peuple et pour les prévenir de son châtiment douloureux et pour ne pas qu'ils persistent dans leur mécréance et qu'ainsi Allah les extermine et les châtie d'un châtiment éternel. Nuh alayhi salam a mis en application l'ordre d'Allah Azza wa Jal et il a dit en s'adressant à son peuple, « Ô mon peuple, je suis vraiment pour vous un avertisseur clair, c'est-à-dire mon avertissement est clair. Ceci par la clarté de ceux avec quoi il met en garde et de ce sur quoi il met en garde. Car il y a ce avec quoi on met en garde et ce sur quoi l'on met en garde. Ce avec quoi on met en garde, c'est ce avec quoi on met en garde. La science, autrement dit, le Coran et la parole d'Allah Azza wa Jal est la révélation. Et le Coran est clair. La parole d'Allah Azza wa Jal est claire. Donc il y a ce par quoi on avertit et il y a ce contre quoi on avertit. Et ce contre quoi Nuh alayhi salam a averti son peuple, c'est le shirk. Donc Nuh alayhi salam a appelé son peuple d'une façon extrêmement claire. Tellement claire qu'elle est amplement suffisante. Il leur a ordonné la chose la plus importante qui est, comme Allah Azza wa Jalla a dit, فَقَالْ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. Adorez Allah et craignez-le. Ceci en n'adorant qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, en lui vouant un culte exclusif et en s'éloignant du polythéisme, de ses voies et de tous les moyens qui y amènent. Car si ils craignent Allah, Allah pardonnera leurs péchés. Et s'ils pardonnent leurs péchés, alors ils bénéficieront de la préservation du châtiment et ils gagneront la récompense. ثم قال تعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى أي مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود وليس المتاع أبدا فإن الموت لا بد منه ولهذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لما كفرتم وعاندتم الحق فلم يجيبوا لدعوته ولنقادوا لأمره فقال الشاكيا لربه رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي نفورا عن الحق وإعراضا فلم يبق لذلك فائدة لأن فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم أي لأجل أن يستجيبوا فإذا استجابوا غفرت لهم فكان هذا محض مصلحتهم ولكنهم أبوا إلا تماديا على باطلهم ونفورا عن الحق جعلوا أصابعهم في آذانهم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام واستغشوا ثيابهم أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له وأصروا على كفرهم وشرهم واستكبروا على الحق استكبارا فشرهم ازداد وخيرهم بعد ثم إني دعوتهم جهارا أي بمسمع منهم كلهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا كل هذا حرص ونصح وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل به أن يحصل منه المقصود فقلت استغفروا ربكم أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من حصول الثواب واندفاع العقاب. Donc Nuh عليه السلام a dit à son peuple d'adorer Allah et de le craindre et qu'Allah عزّ وجل en faisant cela Allah عزّ وجل leur accorderait un délai jusqu'à un terme fixé. Ainsi, ils pourraient profiter des biens de cette vie d'ici-bas et Allah Azza wa Jal leur épargnerait la destruction jusqu'à un terme fixé par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ils ne pourraient jouir de ces biens mondains de façon éternelle car la mort, comme l'on a dit, est inévitable. D'où la parole de Nuh alayhi salam à son peuple, lorsque le terme fixé par Allah arrive, il ne saurait être différé si vous saviez. Mais son peuple a continué à mécroire en Allah, à rejeter la vérité. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Nuh alayhi salam et ne se sont pas soumis à ses ordres. Nuh alayhi salam s'est alors plaint à son Seigneur en disant « Ô Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. » C'est-à-dire leur fuite vis-à-vis de la vérité, le détournement vis-à-vis de la vérité. Il n'y a donc plus de bénéfice à les appeler, car le but d'appeler à Allah Azzawajal est que le but ou une partie de celui-ci soit atteint. Il dit, Nuh alayhi salam, toujours en se plaignant à Allah Azzawajal, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, c'est-à-dire afin qu'ils répondent à mon appel. Et s'ils répondent, alors tu leur accorderas ton pardon. Ceci pour leur bien. Mais ils n'ont fait que refuser. Et ils n'ont fait que persister dans leur faux. Et ils n'ont fait que se sauver de la vérité. جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles afin de ne pas écouter, afin de prendre garde à écouter la parole de leur prophète Nuh alayhi salam. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ. Ils se sont enveloppés de leurs vêtements, c'est-à-dire ils se sont recouverts de leurs vêtements pour s'éloigner de la vérité et pour montrer et pour montrer leur mécontentement face à cette vérité. Et ils se sont entêtés dans leur mal et dans leur mécréance. Et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ainsi leur mal n'a fait qu'accroître et leur bien n'a fait que s'éloigner. Puis Allah Azza wa Jalla dit en parlant de Nuh, ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. Puis Nuh dit, ensuite je les ai appelés ouvertement. C'est-à-dire, je les ai appelés de telle sorte que chacun ait entendu. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. Puis je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en secret. Tout ceci pour les conseiller. Tout ceci pour user de tous les moyens qui pourraient permettre d'aboutir au but final, à savoir que son peuple l'écoute et adore Allah Azza wa Jal seul. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Et je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, c'est-à-dire délaissez tous les péchés que vous faites, et demandez à Allah de vous pardonner. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Car il est grand pardonneur. Il pardonne beaucoup à celui qui se repent et demande le pardon. Nuh alayhi salam a donc motivé son peuple en les appelant à demander le pardon de leurs péchés et en leur expliquant la conséquence de cela, à savoir qu'en demandant le pardon de leurs péchés, eh bien, ils auront des récompenses et cela leur épargnera un châtiment. ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل فقال يرسل السماء عليكم مدرارا مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد ويمددكم بأموال وبنين أن يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون لله عظمه وليس لله عندكم قدر وقد خلقكم أطوارا أي خلقا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن الطفولية ثم التمييز ثم الشباب إلى آخر ما وصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير والبديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. في نوح عليه السلام continue son appel à son peuple en les motivant par les bienfaits rapides de cette vie d'ici-bas. Il leur a dit, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, demandez le pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur, et en lui demandant le pardon, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, c'est-à-dire des pluies successives qui arroseront les chemins et les terrains et qui donneront vie aux villes et aux serviteurs. Et il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, c'est-à-dire il fera en sorte que vous ayez beaucoup de biens, des biens qui vous permettront d'obtenir ce que vous demandez dans cette vie d'ici-bas, de même qu'il vous donnera beaucoup d'enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Il vous donnera des jardins et vous donne des rivières. Et ceci est ce que l'on peut le mieux espérer dans cette vie d'ici-bas. Puis Nuh alayhi salam dit مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? Ainsi vous ne craignez pas l'immensité d'Allah et vous ne donnez pas à Allah la valeur qui est la sienne. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا Alors qu'il vous a créé par phases successives. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal vous a créé dans le ventre de vos mères. Puis vous passez par la phase de l'allaitement. Puis vous passez la phase de l'enfance. Puis la phase du discernement. Puis la phase de la jeunesse. Jusqu'au terme où arrivera votre création. Celui donc qui est le seul à avoir créé cette création innovante est le seul qui mérite d'être adoré et le seul à qui l'on doit exclusivement vouer son adoration. Et dans la citation du début de la création, il y a dans cela une alerte concernant le retour et la résurrection, et que celui qui les a créés du néant est capable également de les faire ressusciter après leur mort. Wa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.